Le canard et la lune. Fable. Un canard cherchait un poisson dans la rivière, mais de la journée n'en trouva. La nuit venue, la lune se refléta dans l'eau, et le canard, croyant voir un poisson, plongeait et replongeait sans cesse pour le saisir. Les autres canards l'aperçurent et se moquèrent de lui. Il en fut si honteux, et depuis ce jour, il resta si intimidé qu'il n'osa même plus prendre le poisson qu'il trouvait et mourut de faim.